Baby. Un petit peu de douceur dans ma vie de bad boy. De l'amour dans ma haine, voilà comment je t'aime. Qu'as-tu fait de moi? Je souffre d'être tienne, j'aimerais que tu me retiennes. Viens, on arrête de jouer. Viens, on arrête de saigner. Viens, on arrête de se tuer. On s'embrouille, mais on se kiffe, je le sais. Tu dis que je suis ton Jay-Z, t'es ma Beyoncé. Tu te souviens toutes ces nuits scotchées au téléphone jusqu'à 6 du mat à éclater le millénium. On est seul au monde, je kiffe à mort. T'es une avalanche de douceur dans ma vie de bad boy. Avant, j'utilisais les filles, je les jetais comme un Kleenex. Mais pas toi, t'es une fille. Yes, tu remets tout en question, je sais pas pourquoi. Mais tant que tu es là pour moi, je serai là pour toi, yeah. De l'amour dans ma haine, voilà comment je t'aime. Qu'as-tu fait de moi? Je souffre d'être tienne, j'aimerais que tu me retiennes. J'ai besoin de prendre du recul et j'ai pas le temps de jouer à